soin. Tout le temps pour me façonner. Tu n'y pas resté loin. Oh, tu as vraiment su m'aimer. Alors que puis-je dire, Seigneur, sinon que tout est à toi. Toi, j'étais orphelin, mais grâce à Jésus, ma richesse du ciel, je suis devenu citoyen, et mon cœur est dans l'allégresse. Jésus-Christ, tout ce dont tu me combles, je dépose devant ton trône. Sacrifier tout ce qui m'est agréable pour te montrer.